Il y a des gens, tu ne sais pas c'est quoi leur fin. Toi, tu peux te permettre de mettre un jugement sur quelqu'un par rapport à l'akhira. Tu peux jurer. Toi, tu vois un tel en apparence, il paraît moins bien, et un tel paraît meilleur, tu ne connais pas le contenu des cœurs. Mais nous, en islam, on juge en apparent. Tu as des gens, ils te disent, tu ne juges pas les gens, il ne faut pas juger les gens. On dit, nous, on ne juge pas les cœurs. On juge les actes. Si un tel fait un acte qui amène tel jugement, on va appliquer le jugement sur lui. Mais des fois, on a des indices qui laissent, qui montrent, des fois, le contenu de certaines choses par rapport au cœur. On ne sait pas tout. Mais tu as le munafiqoun, des fois, tu as des alamas qui te montrent que lui, c'est un munafiq. Ou qui t'amène à penser qu'un tel, c'est un munafiq. Qu'un tel, il n'est pas sincère. Ou qu'un tel, tu vois, tu as des indices. Mais non, tu ne peux pas avoir un jazz décisif dans ton cours. Mais tu dis, un tel, Nathalène, il a des indices dans ses actes qui montrent qu'il n'est pas sincère dans ce qu'il fait. Pourquoi? Car il fait tel et tel acte. Ce sont les actes des munafiqins. Pourquoi Allah dans le Coran nous donne des indices, les actes des munafiqins? C'est pour qu'on arrive à les repérer. Quand on dit les repérer, quand on dit tu fais un hukm direct de toi-même, un tel est munafiq. Bien certains, c'est des munafiqins fi'lan. On a des adilets qui montrent qu'un tel c'est un munafiq. Si jamais ça n'en est pas un, on n'a pas de blâme sur nous de l'avoir jugé comme munafiq. Comme par exemple, un Qardaoui, jugé comme un tel munafiq. Il a fait tout ce qu'il fallait pour qu'on mette le jugement de munafiq sur lui. Maintenant, tu as des gens, tu dis eux, ils ont des amels de nifaq. Car le dire c'est un munafiq, c'est du takfir. Et tu as des gens, tu dis, un tel, il a des signes d'ikhlas. Tu dis pas, tu peux pas me permettre de juger, de dire que lui c'est un mukhlis à 100%, tu ne sais pas. Tu dis, lui, un tel, il a des signes d'alama de l'ikhlas. C'est pour cela, par exemple, c'est la mas'ala, tu ne peux pas dire qu'un tel va rentrer au feu et un tel va rentrer au jannah parmi les mu'minin. Tu ne peux pas ça. Mais tu peux dire, on espère d'un tel, un homme al jannah, ça tu peux. Mais le jazz, tu peux pas. Ça rentre dans ce bab-là. Tu vas te permettre de parler sur Allah d'une chose que tu ne sais pas. Le contenu intègre des cœurs, tu ne le connais pas. Mais nous, on juge les actes apparents. Quelqu'un qui vole, on va dire c'est un voleur. Quelqu'un qui fornique, on va dire c'est un fornicateur. Quelqu'un qui ment, on va dire c'est un menteur. Quelqu'un qui est, mais c'est le négligent, on va dire le négligent. Laxiste, laxiste. Les gens disent, ne me juge pas. Dis-moi, juge tes actes. Et ça, c'est permis. Et il faut juger les actes. Parce que des fois, tu as des jugements. Dans la charia, le fornicateur, on le lapide. Si jamais c'était quelqu'un qui était marié. Ou on le flagelle, si jamais c'était quelqu'un qui n'a pas été marié. Ben, tu as des jugements dans cette dunya qui s'appliquent par rapport à tes actes. Comment tu ne me juges pas? Il faut juger. Mais on ne juge pas le contenu des cœurs. Non. On ne dit pas, par exemple, lui, un tel, la falaine, dans son cœur, il y a ça, ça et ça. Non. Mais tu peux dire, il y a des indices qui montrent que ce un tel dans son cœur, il y a du khoubz, il y a du nifaq. Il y a du riya, mathalan. Des indices. Mais le jugement décisif, tu ne peux pas. Donc là, c'est du ta'ali à Allah. Tu te permets de parler au nom d'Allah. Tu dis un tel, Allah ne pardonnera jamais. Qu'est-ce que tu en sais? Demain, il peut faire tawba de tout ce qu'il a fait, sincèrement, Allah lui pardonne. Et toi, demain, il se peut que tu fasses une chose, que Allah fasse que toutes tes œuvres, elles soient annulées. Combien de gens on a vu qui étaient sur la droiture, à la fin, ils ont viré. Et d'autres qui étaient sur l'égarement, et à la fin, alhamdoulilah, ils ont devenu mustaqimine. Non.